Chapitre 27e, la corbeille de fruits. Mr. Thornton se donna entièrement à ses affaires dès le jour suivant. Il lui arriva quelques demandes pour des tissus de qualité supérieure, et comme la maison excellait dans ce genre, il en profita et conclut des marchés avantageux. Il fut une exactitude ponctuelle à la réunion des magistrats, leur donna des conseils suggérés par un raisonnement juste. Il avait l'heureuse faculté d'embrasser d'un coup d'œil toutes les conséquences d'une mesure et celle de prendre une décision rapide dans les occasions difficiles. Des hommes plus âgés que lui, des commerçants qui déjà avaient réalisé leur fortune, y étaient devenus grands propriétaires, tandis que son capital à lui était flottant et entièrement engagé dans les affaires, avaient recours à ses avis et comptaient sur la justesse de ses vues. Il fut chargé de constater les désordres et d'arranger les choses avec la police, de faire en un mot toutes les démarches importantes. Et il n'accordait pas plus d'attention à la déférence qu'on lui témoignait qu'à la brise qui faisait dévier de la ligne droite la fumée des hautes cheminées des usines. Il ne s'apercevait même pas de ce muet respect qu'on lui portait. C'étaient les oreilles maternelles qui recueillent avidement de la bouche des femmes et des sœurs de tous ces magistrats, de tous les hommes opulents, combien messieurs tel et tel avaient une haute opinion de Mr. Thornton, que sans lui les choses se seraient passées tout autrement et auraient certainement mal tourné. Ce jour-là, il mit à jour une immense quantité de besogne. Il semblait que la cruelle mortification de la veille et la course à travers champs qu'il avait suivie eussent encore éclairci son intelligence. Il sentait ses moyens doublés, pour ainsi dire, et il s'en réjouissait. Il défiait presque son propre cœur. Il aurait chanté, s'il l'avait su, la chanson du meunier des bords de la rivière Dye. Personne ne m'aime et je n'aime personne. Il rassembla quelques témoignages contre Butcher et d'autres chefs de l'émeute. Il chargea la police de veiller sérieusement et d'avertir tout le monde que le brave vengeur de la loi était prêt à frapper tous ceux qui seraient pris en faute. Puis il quitta l'étouffante chambre de justice de la petite ville pour la rue moins étouffante, mais pourtant chaude encore. Là, tout d'un coup, il sembla que son esprit se transformait. Il se sentait si faible de volonté qu'il ne pouvait dominer sa pensée qui retournait sans cesse vers Marguerite, non vers la scène de son refus de la veille, mais vers les circonstances du jour précédent. Il suivait machinalement la rue encombrée de passants, coudoyant les uns, heurtant les autres, mais ne voyant personne et souhaitant avec passion que cette demi-heure, ce court espace de temps où elle s'était attachée à lui, où leurs deux cœurs avaient battu l'un contre l'autre, pût revenir. « Monsieur Thornton, vous passez bien fier. Et comment va Mrs. Thornton par ce temps magnifique ? Nous autres médecins, nous n'aimons guère ces beaux jours-là, je vous assure. Ah, pardon, docteur Donaldson, je ne vous voyais pas. Ma mère va très bien, je vous remercie. Oui, en effet, c'est une belle journée, et qui va bien avancer la moisson, je l'espère. Si le blé se rentre bien, nous ferons de bonnes affaires l'année prochaine, quels que soient les vôtres, docteur. Eh, eh, chacun pour soi. » Vos mauvais temps et vos mortes saisons sont mes jours d'aubaine. Quand le commerce va mal, il y a plus de maladies parmi les gens de Milton que vous ne sauriez le croire. Cela ne me regarde pas, docteur, car je suis de fer. La nouvelle de la plus grande baisse de marchandises n'a jamais fait varier mon pouls. Cette grève qui pèse sur moi plus que sur aucun des commerçants de Milton, sans en excepter Hamper, ne m'a pas ôté un grain d'appétit. Allez chercher ailleurs vos malades, docteur. À propos, vous m'en avez recommandé une fameuse malade, pauvre femme, mais pour parler sérieusement, je crois malheureusement que Mrs. Hale, vous savez, cette dame de Crampton, n'a plus que peu de semaines à vivre. Je n'ai jamais espéré la guérir, je crois vous l'avoir dit, mais aujourd'hui je l'ai vue et je la trouve bien bas. Mr. Thornton ne répondit pas. Cette invariabilité de pulsation dont il s'était vanté lui faisait défaut. Puis-je faire quelque chose, docteur ? Demanda-t-il d'une voix altérée. « Vous savez, vous avez dû voir que l'argent n'est pas très abondant dans cette maison. Y a-t-il quelque douceur qui puisse lui faire du bien ?»« Non, » répondit le docteur, secouant la tête. « Elle a constamment la fièvre, elle demande sans cesse du fruit. Mais les poires de jargonelle lui suffisent, et on en voit des quantités sur le marché. »« Vous me direz si je puis être bon à quelque chose, n'est-ce pas, docteur ?» reprit Mr. Thornton. « Je compte sur vous. » « Ah, ne craignez rien. Je n'épargnerai pas votre bourse. Je sais qu'elle est bien garnie. Je voudrais seulement que vous me donnassiez carte blanche pour tous mes malades et pour tous leurs besoins. » Mais Mr. Thornton n'avait pas une bienveillance générale. Sa philanthropie n'était pas universelle. Peu de gens même l'auraient cru capable d'une affection profonde. Il se rendit de Spa à la première fruiterie de Milton, choisit les plus beaux raisins, les pêches les plus veloutées, les fit envelopper dans les feuilles de vigne les plus fraîches, puis soigneusement placées dans une corbeille. Le marchand lui demanda « Où faut-il envoyer cela, monsieur ?» Point de réponse. « À Marlborough Mill, je suppose, » reprit-il. « Non, » dit Mr. Thornton. « Donnez-moi la corbeille, je vais l'emporter. » Il lui fallut la prendre à deux mains et passit par la partie la plus fréquentée de la ville. Plus d'une jeune dame de sa connaissance se retourna pour le regarder, trouvant fort étrange de lui voir faire la besogne d'un porteur ou d'un commissionnaire. Lui, pendant ce temps-là, pensait « Ce n'est pas la crainte de Marguerite qui m'empêchera de faire ce que je crois bon. Il me plaît de porter ses fruits à la pauvre mère. C'est une action louable en elle-même, et tout son mépris ne m'en détournera pas. Il serait plaisant, vraiment, qu'une fille hautaine m'effraya au point de m'empêcher de faire une politesse à un homme que j'estime et que j'aime. Je le fais pour Mr. Hale, je le fais en dépit d'elle. » Il marchait à grands pas et arriva bientôt à Crampton. Il monta deux à deux les degrés de l'escalier et entra dans le salon avant que Dixon eût pu l'annoncer. Son visage était animé et ses yeux brillaient d'un sentiment tout bienveillant. Mrs. Hale était couchée sur le sofa, la rougeur de la fièvre colorait ses joues. Mr. Hale lisait à haute voix. Marguerite travaillait, assise sur un tabouret à côté de sa mère. Son cœur battit à la vue de Mr. Thornton, mais lui ne sembla faire aucune attention à elle. À peine parut-il voir Mr. Hale. Il alla droit à Mrs. Hale avec sa corbeille et lui dit d'un ton doux, qui contrastait avec le diapason habituel de sa voix, et qui, venant d'un homme fort et robuste au chevet d'une pauvre malade, avait quelque chose de touchant. « J'ai rencontré le docteur Donaldson, madame, et comme il m'a dit que le fruit vous était bon, j'ai pris la liberté de vous apporter ceci, qui m'ont semblé beau. » Mrs. Hale fut excessivement surprise, mais enchantée. Elle tremblait de joie et de désir de goûter ces fruits magnifiques. Mr. Hale exprima sa reconnaissance en peu de mots. « Allez chercher une assiette, Marguerite, une corbeille, quelque chose enfin. » Marguerite restait debout, craignant de faire le moindre mouvement ou le moindre bruit qui pût attirer sur elle l'attention de Mr. Thornton. Elle pensait qu'il serait embarrassant pour tous deux de se rencontrer en présence de témoins, et s'imaginait qu'ayant été d'abord sur un tabouret fort bas, et se trouvant maintenant caché derrière son père, il ne l'avait pas aperçu. Comme il n'avait pas senti dans tout son être l'influence magnétique de sa présence, bien qu'il ne l'eût pas une seule fois regardé. « Je ne puis rester davantage, dit-il, je suis fort pressé. Pardon de la liberté que j'ai prise, et de mes manières un peu brusques, trop brusques peut-être, mais une autre fois je serai plus circonspect. Si vous voulez bien me permettre de vous apporter encore quelques fruits, lorsque j'en verrai qu'il vaille la peine de vous être offert. Au revoir, Monsieur Hale. Adieu, madame. » Il partit. Pas un mot, pas un regard à Marguerite. Elle espéra qu'il ne l'avait pas vue. Elle alla chercher sans rien dire une assiette et sortit les fruits de la corbeille, les prenant avec délicatesse du bout de ses doigts roses et effilés. « C'est bien à lui d'avoir eu cette attention, pensait-elle, et surtout après ce qui s'est passé hier. » « Oh, que c'est délicieux, » dit Mrs. Hale de sa voix faible, « et combien c'est aimable à Mr. Thornton d'avoir pensé à moi. » « Marguerite, cher enfant, goûtez ce raisin. N'est-ce pas une charmante surprise ?»« Oui, » dit tranquillement Marguerite. « Ah, Marguerite, » dit Mrs. Hale d'un air grondeur, « vous n'approuvez rien de ce que fait Mr. Thornton. Je ne vous ai jamais vu si prévenu contre quelqu'un. » Mr. Hale avait ôté la peau d'une pêche, et avant de donner le fruit à sa femme, il en coupa un quartier pour lui et dit « Si j'avais des préventions contre lui, le goût de ces fruits délicieux les ferait bien vite disparaître. Je n'ai rien mangé de pareil depuis mon enfance. Mais dans l'enfance, toute espèce de fruit est bonne. Je me souviens d'avoir mangé avec délice des prunelles et des pommes sauvages. Vous rappelez-vous, Marguerite, les groseilliers empaillés qui longeaient le mur de l'ouest dans notre jardin de Hailstone ?» Oui, certes, elle se les rappelait. Tout n'était-il pas gravé dans sa mémoire? Tout, jusqu'aux taches dans le vieux mur de pierre, jusqu'aux lichens jaunes et gris qui traçaient des dessins, comme sur une carte géographique, et aux herbes qui croissaient dans les fentes. Elle avait été remuée par les événements des deux jours précédents. Elle se trouvait presque à bout de force, et ces derniers mots de son père, qui lui rappelaient le temps heureux de sa vie, la firent tressaillir. Elle quitta vivement son ouvrage et se retira dans sa petite chambre. Elle avait à peine poussé un premier sanglot quand elle vit Dixon qui cherchait évidemment quelque chose dans les tiroirs de sa commode. « Bon Dieu, miss, comme vous m'avez fait peur. Est-ce que madame va plus mal? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau ?»« Non, rien, Dixon. Seulement je fais l'enfant et j'ai besoin d'un verre d'eau. Qu'est-ce que vous cherchez ?»« Ce sont mes mousselines qui sont dans ce tiroir-là. » Dixon ne répondit pas, mais continua ses perquisitions. Un parfum de lavande s'échappait du tiroir et embaumait toute la chambre. À la fin, Dixon trouva ce qu'elle cherchait. Marguerite ne pouvait deviner quoi. Dixon se tourna vers elle et lui dit « Je ne me souciais pas beaucoup de vous dire ce que je cherchais, parce que vous paraissez déjà assez triste et que cela vous rendra plus triste encore. J'aurais voulu ne vous le dire que ce soir. »« Qu'est-ce que c'est ? Dites-le tout de suite, Dixon, je vous en prie. » Cette jeune fille que vous allez voir souvent, Higgins, eh bien, elle est morte ce matin, et sa sœur est là. Elle est venue me faire une singulière demande. Il paraît que la défunte a désiré être enterrée avec quelque chose de vous, et sa sœur est venue le demander de sa part, de sorte que je cherchais un bonnet de nuit pas trop neuf pour le lui donner. Oh, je vais en donner un moi-même, dit Marguerite tout en larmes. Pauvre Bessie, je ne pensais guère que je ne devais plus la revoir. Il y a autre chose encore. Cette jeune fille en bas m'a prié de lui demander si vous vouliez voir sa sœur. Mais elle est morte, dit Marguerite en pâlissant légèrement. Et je ne me suis jamais trouvé en présence de la mort. Non, j'aime mieux ne pas la voir. Je ne vous l'aurais jamais demandé si vous n'étiez pas venu là. Je lui avais déjà dit que vous n'iriez pas. Je descends lui parler moi-même, dit Marguerite, qui craignait que Dixon ne manquât de douceur avec la pauvre fille, et prenant le bonnet, elle se rendit à la cuisine. Le visage de Marie était gonflé à force d'avoir pleuré, et à la vue de Marguerite, elle éclata de nouveau en sanglots. « Oh, miss, elle vous aimait, oui, vraiment !» Et pendant longtemps, Marguerite ne put lui en faire dire davantage. À la fin, ses caresses sympathiques et les interrogations grondeuses de Dixon tirèrent d'elle quelques détails. Nicholas Higgins était sorti le matin, laissant Bessie aussi bien que la veille. Mais une heure après, elle se trouva plus mal. Une voisine courut à l'atelier où Marie travaillait, car on ne savait où était allé son père. Et la pauvre Bessie était morte peu de minutes après l'arrivée de sa sœur. Il n'y a pas deux jours qu'elle a demandé à être enterrée avec quelque chose de vous sur elle. Elle ne se lassait jamais de parler de vous. Elle disait que vous étiez la plus jolie créature qu'elle eût jamais eue devant les yeux. « Oh, elle vous aimait chèrement. » Ses dernières paroles furent « Dites-lui que je l'aimais bien et empêchez mon père de boire. »« Vous viendrez la voir, n'est-ce pas, madame ?»« Je sais que cela lui aurait fait grand plaisir. » Marguerite hésitait à répondre. « Oui, peut-être irai-je. Oui, j'irai. J'irai avant l'heure du thé. Mais où est votre père, Marie ?» Marie secoua la tête et se leva pour partir. « Miss Hale, » fit Dixon à voix basse. « Quelle nécessité pour vous d'aller voir la pauvre créature ?»« Je ne dirai pas un mot pour vous en empêcher, si cela pouvait lui faire le moindre bien, et même, si cela peut flatter la famille, je suis prête à y aller moi-même, car ces gens du commun ont l'idée que c'est une politesse à faire aux défunts. Allons, » continua-t-elle en se retournant vivement, « j'irai voir votre sœur. Miss Hale est très occupée et ne peut sortir. » « Sans cela, l'irait elle-même. » La jeune fille regarda fixement Marguerite. La visite de Dixon pouvait être en effet une politesse. Mais quelle différence pour la pauvre sœur qui, durant la vie de Bessie, n'avait pas été sans éprouver quelque légère jalousie de l'espèce d'intimité qui existait entre elle et la demoiselle. « Non, Dixon, » dit Marguerite d'un ton décidé, « j'irai. Marie, vous me verrez dans l'après-midi. » Et craignant de retomber dans sa poltronnerie, elle se hâta de quitter la cuisine pour s'ôter la possibilité de revenir sur sa promesse.